Chapitre 30e. Malgré le souhait de son fils, Madame d'Alifard passa une fort mauvaise nuit. Lorsqu'Adolphe fut sorti de sa chambre, elle ne se coucha point, mais ouvrant une fenêtre, elle s'accouda sur le balcon pour respirer. Elle étouffait. Jamais elle n'avait éprouvé pareille surprise, et elle se demandait si celui qui venait de lui parler était bien son fils. Ce qui plus que tout la stupéfiait, c'était le calme qu'il s'était imposé pendant ce long entretien. Il se fut laissé emporter, il eut crié, il eut eu des accès de colère, il eut prié, il eut pleuré, elle aurait admis ses violences. Et lors même qu'elle aurait dû en souffrir, elle les eût pardonnées. Mais ce calme, cette froideur, cette possession de soi-même, ce langage raisonné l'avait dérouté, et maintenant il l'effrayait. Il était donc bien sûr de lui, bien maître de sa résolution, que rien ne le troublait. Quel progrès cet amour avait fait en quelques mois, et comme on était loin maintenant de l'époque où Adolphe n'osait le confesser. Quelle distance entre le temps où il rougissait en avouant qu'il avait de l'amitié pour Juliette, et cette soirée où il déclarait résolument qu'il la voulait pour sa femme. Il est vrai qu'il voulait bien en même temps prendre l'engagement de ne pas l'épouser, contrairement à la volonté de sa mère. Mais combien cet engagement durerait-il? N'arriverait-il pas un moment où lui aussi serait emporté? Alors, que se passerait-il? Adolphe, qui se défendait maintenant de vouloir jamais recourir aux moyens que la loi lui donnait, garderait-il ce dernier respect? S'il l'oubliait, il faudrait bien alors qu'elle cédât, et sans bénéficier en rien de ce sacrifice forcé. Madame d'Alifard n'était pas femme à s'arrêter avant d'avoir été au fond des choses, et si pénibles que pussent être les découvertes qu'elle s'attendait à trouver, elle préférait encore la certitude au doute. Elle porta son clair regard jusqu'au fond de la situation qui venait de se découvrir, et froidement, méthodiquement, elle en calcula les bons et les mauvais côtés, c'est-à-dire ceux qui se présentaient tels pour elle. Il ne lui fallut pas longtemps pour voir que les chances n'étaient pas égales, et que pour une qui était en sa faveur, 10 était contre elle. Avec une pareille proportion, il était donc à peu près certain qu'un jour ou l'autre, Adolphe, irrésistiblement entraîné par sa passion, comme il l'avait déjà été, épouserait Juliette. De même qu'il avait trouvé des raisons pour justifier son amour à ses propres yeux et le confesser hautement, de même, il en trouverait pour légitimer son mariage. Elle aurait donc Juliette pour belle-fille, ce n'était plus qu'une affaire de temps. Dans ces circonstances, quel parti prendre? Il ne s'en présentait que deux. Ou bien il fallait attendre et laisser marcher les choses en comptant sur les heureux hasards que le temps peut amener, ou bien il fallait se résigner tout de suite à ce mariage. Tout ce qu'elle voudrait tenter en dehors de ces deux voies était inutile et illusoire. L'expérience, en parlant comme elle l'avait déjà fait, avait clairement démontré que tout effort pour détourner Adolphe de son amour serait vain. Au lieu de l'éloigner de Juliette, on l'en rapprocherait. Si l'attente avait dû amener un refroidissement dans cet amour, Madame d'Alifard eût pris avec bonheur le parti de l'attente, qui n'eût été en réalité que la continuation de l'état de choses qui durait depuis longtemps déjà. Mais comment compter sur ce refroidissement? Sans être savante ou expérimentée dans tout ce qui touche à l'amour, elle sentait que ce n'est pas quand un désir est contrarié qu'il s'affaiblit. Exaspérée par les difficultés, la passion d'Adolphe ne pouvait aller qu'en augmentant, jusqu'au jour où elle briserait le dernier lien qui la retenait encore aujourd'hui. D'un autre côté, on pouvait aussi, il est vrai, compter que Juliette, blessée dans sa dignité en voyant la répulsion qu'elle inspirait, repousserait Adolphe et prendrait un autre mari. Mais si cette probabilité se présenta à l'esprit de Madame d'Alifard, ce fut sans le toucher. Ce n'était pas elle qui pouvait admettre qu'une jeune fille sans fortune renoncerait jamais à l'avantage d'un mariage avec Adolphe. Pour s'arrêter à cette idée, il lui fallut plus d'humilité qu'elle n'en avait. L'attente ne pouvait donc avoir pour résultat que le mariage, mais ce mariage dans des conditions tout à fait mauvaises. Adolphe, sans doute, n'en voudrait point à sa mère des empêchements qu'elle aurait mis à son mariage, et ce mariage fait, il oublierait les difficultés qu'il avait retardées. Il était dans sa nature un peu molle de ne pas se souvenir. Mais Juliette aura-t-elle l'oubli et le pardon aussi facile? Là était le danger de cette attente, et un danger sérieux pour l'avenir qu'il n'était pas prudent de vouloir dissimuler. Madame d'Alifard avait trop longtemps vécu avec Juliette pour ne pas savoir que le sentiment qui dominait en elle et qui dirigeait son caractère, c'était la fierté. Dans une vie rendue facile par la fortune, cette fierté native se fut probablement portée sur les 1000 petites choses qui constituent ce que dans le monde on est convenu d'appeler l'honorabilité. Mais sous l'aiguillon de la pauvreté, elle s'était concentrée sur un seul point, la dignité personnelle. Poussant le souci de ses dignités jusqu'à l'extrême, il était certain que Juliette devait souffrir de voir son mariage avec Adolphe combattu. C'était une blessure à son amour-propre qu'il était imprudent d'exaspérer si on voulait la cicatriser un jour. Et si le mariage devait arriver, il fallait que cette cicatrice s'opérât, car à aucun prix, Madame d'Alifard n'eût voulu vivre en hostilité avec sa belle-fille. Pendant que son esprit marchait ainsi de déduction en déduction, Madame d'Alifard était restée accoudée sur son balcon, les yeux perdus dans la nuit sombre. Arrivée à ce point, elle se releva vivement et se rejeta en arrière. Il lui semblait qu'elle était au bord d'un abîme et qu'un pas de plus en avant la faisait rouler dans un gouffre sans fond. Elle revint dans sa chambre et remonta sa lampe qui menaçait de s'éteindre. La clarté dissipa l'émotion qui venait de l'étreindre et de la troubler si douloureusement. Elle s'assit alors sous la lumière et reprit son raisonnement au point même où elle l'avait interrompu. Ses nerfs gardaient encore une certaine irritation causée par l'ébranlement qu'ils avaient reçu. Mais elle n'était pas femme à s'abandonner à ses nerfs, et elle se rendit promptement maîtresse d'elle-même, de sa raison et de sa volonté. La conclusion à tirer des différentes déductions par lesquelles elle avait cheminé était double. Le mariage d'Adolphe et de Juliette devait se faire un jour. Dans l'intérêt de leur relation à venir, il ne fallait pas qu'il parût se faire malgré elle. Si elle n'avait obéi qu'aux exigences de sa maternité, elle eût voulu qu'Adolphe ne se mariât jamais. Elle l'aurait ainsi gardé pour elle seule dans une intimité jalouse, qui n'eût souffert personne entre la mère et le fils. Mais chez elle, les exigences du sentiment se mêlaient toujours aux exigences des intérêts, et c'était bien souvent ces dernières qui l'emportaient. Or, les exigences de ses intérêts voulaient impérieusement qu'Adolphe se mariât. N'était-ce pas le seul moyen d'avoir un petit-fils, c'est-à-dire un héritier de la fortune qu'elle avait gagnée? Pendant longtemps, elle avait caressé le rêve de le marier à une femme riche, mais ce qui venait de se passer à propos du projet Houdaï lui avait donné à réfléchir, et d'un autre côté, les observations du notaire n'avaient point été perdues pour elle. Jamais elle ne s'exposerait maintenant à subir des demandes pareilles à celles qui lui avaient été adressées. Jamais elle ne ferait connaître le chiffre exact de sa fortune. Jamais elle ne partagerait ce qu'elle possédait avec son fils. Elle lui donnerait tout volontiers, mais ce serait de son plein gré et dans des conditions telles qu'il fût bien entendu que c'était elle qui donnait et non la loi. Arrêtée à ses idées, qui chez elle étaient articles de foi, elle devait donc renoncer à son rêve de la femme riche, et dès lors il lui fallait se contenter de la femme pauvre. Sans doute, entre la richesse et la pauvreté, il y a un juste milieu. Mais elle n'était pas la femme des demi-mesures, et une jeune fille qui ne lui apporterait en dot que quelques centaines de 1000 francs, et par conséquent n'aurait pas les exigences des Houdaï, n'était pas pour lui plaire. Ce qu'il lui fallait, c'était tout ou rien. Une fortune qui, jointe à la sienne, donna à son fils une grande position, ou bien une pauvreté absolue qui plaça sa belle-fille dans sa dépendance la plus étroite. L'une ou l'autre de ces deux femmes pouvait en effet satisfaire ses vues personnelles, la riche en apportant la position toute faite, la pauvre en la laissant faire. Mais la troisième, au contraire, n'offrait aucun avantage. En vertu de sa dot, elle se croyait des droits que sa famille se chargeait d'appuyer. Il fallait lutter. On était entravé, paralysé. Pour quelques centaines de 1000 francs, on avait abandonné l'autorité et la toute-puissance. Cette conclusion, qui conduisait nécessairement au mariage avec Juliette, était si douloureuse à Madame d'Alifard que pour ne pas l'accepter, elle recommença l'examen de sa situation. Mais bien qu'elle prît des chemins différents, elle arriva au même point. Après avoir fait l'addition de haut en bas, elle la faisait de bas en haut, et comme l'opération avait été juste la première fois, le résultat fut le même la seconde. Juliette partout et toujours Juliette. Juliette parce qu'elle était aimée et que rien ne résisterait à cet amour. Juliette parce qu'elle était pauvre. Les heures avaient marché pendant ce travail pénible. Le ciel blanchissait du côté de l'Orient, et un léger brouillard, s'élevant au-dessus de la rivière, montait le long des peupliers sombres. Madame Daliphard se décida enfin à se mettre au lit. Sa tête était fatiguée de toujours tourner et retourner les mêmes idées. Le lendemain, elle aurait plus de calme, plus de fermeté pour se prononcer. Si fatiguée qu'elle fût, elle ne laissa pas passer l'heure ordinaire de son lever, et comme tous les lundis, elle partit de Nogent pour arriver à Paris quelques minutes avant l'ouverture des bureaux. Jusqu'au déjeuner, elle travailla sans adresser à son fils d'autres paroles que celles qui avaient rapport aux affaires de la maison. Mais après le déjeuner, contrairement à ses habitudes, elle mit son chapeau et fit sa toilette pour sortir. « Juliette est-elle chez elle aujourd'hui ? » dit-elle à son fils. « Je ne sais pas. »« Tu dois le savoir. »« Je le pense. »« Alors je vais la voir. » « Tu veux ?»« Je veux lui parler. Et je veux avoir un entretien avec sa mère. Je serai de retour dans 2 heures. »« Mais dans 2 heures ?»